بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, toujours dans avec كتاب التوحيد والحاشية بن قاسم et dans le chapitre باب ما جاء في الرقى والتمائم. Donc le chapitre de ce qui concerne الرقى, donc les incantations, والتمائم, les talismans. On a lu la dernière fois le hadith de Abi Bashir al-Ansari radiyallahu an, lorsque il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était dans l'un de ses voyages, il a envoyé un messager pour qu'il ne reste autour du cou des bêtes aucun pendentif fait à partir, on avait vu, de la corde d'un arc. On avait expliqué pourquoi. Ensuite on avait vu le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, lorsqu'il a entendu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que les incantations, les talismans et ce qu'on appelle at-tiwala sont une sorte d'association de shirk. Inna ar-ruqa wa at-tama'ima wa at-tiwalata shirkun. Ça c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed et l'imam Abu Daoud. Et justement, on continue avec le matin où le shir lui-même, donc le shir Mohammed, rahimahullah, il explique brièvement ce que sont donc al-tama'im, pluriel de tamim, al-talisman, ce que sont al-ruqa, les incantations, dans le pluriel de ruqya, et al-tiwala. Donc le shir lui-même, il a expliqué ces mots-là, donc les mots qu'on trouve dans le hadith de qui? De Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Donc le shir l'a cité dans le matin avant le hadith de Abdullah ibn Ukaym où il a dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aurait dit man ta'allaqa shay'an wukila ilay. On avait vu que ça c'est un hadith que la majorité de ahl al-ilm disent que c'est un hadith qui est mursal. Donc celui qui s'attache à quelque chose, Allah le confie ou le laisse à cette chose-là. C'est-à-dire que celui, on avait vu le sens, celui qui s'attache à quelque chose qui ne peut ni profiter ni nuire, Allah Jalla wa Ala, il laisse son sort à cette chose-là qui ne peut rien lui apporter. Donc on avait dit que c'était un hadith que certains parmi les ulama considèrent comme faible dans la mesure où il est mursal. Et que Abdullah ibn Ukaym, il n'a pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait reçu une lettre dans laquelle il y avait ces recommandations-là. Le hadith, il est mursal. Wallahu alam. Ensuite, le shir ici, il va citer le sens de ce que c'est al-tama'im, al-ruqa wa al-tiwala. Donc, il dit dans le matin, il dit, rahimahullah wa al-tama'imu, شيء يعلق على الأولاد من العين لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعدهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عن منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. Donc le shir nous dit dans le matin, il nous dit que التمائم. Donc si on revient au hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, inna ar-ruqa wa at-tama'ima wa at-tiwalata shirk. Donc at-tama'im, donc le pluriel de tamima. On avait vu que tamima, il a été appelé tamima parce que par cette appellation-là, les gens de l'Jahiliya, ils espéraient qu'Allah subhanahu wa ta'ala complète et accomplisse ce qu'il souhaitait en portant ces choses-là, c'est-à-dire de repousser un mal ou d'attirer un bien en utilisant ce sabab-là. Et on avait vu la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il disait « Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah » celui qui s'accroche à un talisman qu'Allah n'accomplisse pas ce qu'il a voulu, enfin, ce qu'il a voulu obtenir en utilisant ce sabab-là. Donc c'est pour ça qu'ils avaient appelé ça tamima. Et le shir ici nous dit que c'est quelque chose comme on l'avait vu que les gens de l'Jahiliya, ils attachaient autour du cou de leur ou du poignet de leurs enfants pour repousser, pour les protéger du aïn, du mauvais œil. Ensuite, ici, le shir, il cite le khilaf qu'il y a entre les salafs concernant les talismans qui sont faits à partir ou avec des versets du Coran ou avec des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit qu'il y a un khilaf et que certains parmi les salafs, comme on le verra, il s'agit de Abdullah ibn Amr ibn al-As. Et c'est rapporté aussi de Aïcha. Qu'ils ont permis ce genre de talisman-là, c'est-à-dire le talisman qui est fait avec des versets du Coran ou avec des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou des invocations qui sont permises. Et d'autres, wa ba'dhum, il y en a d'autres qui n'ont pas permis cela et qui ont considéré que ça rentrait dans la globalité du hadith de Abdullah ibn Mas'ud lui-même. Donc, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, c'est comme ça qu'il a compris le hadith qu'il a rapporté. C'est lui qui rapporte le hadith où le Prophète sallam dit: Inna ar-ruqa wa tama'ima wa tiwarata shirkun. Inna tama'ima. On verra après, wajh al-istidlal, comment les ulama ils ont compris ce texte-là. Et on va voir pourquoi il y en a certains qui ont considéré que s'il provient du Coran, s'il est fait avec le Coran, pourquoi il est permis et pourquoi il sort de cette globalité-là, de cette généralité-là. La base, comme on va le voir, c'est que at-tamaim, c'est haram. Ça rentre dans le shirk, comme ça vient dans ce verset-là, mais on va voir comment les uns et les autres, ils ont compris an-nusus, les textes du Coran et de la Sunna. Ruqa, donc le pluriel de ruqiya, c'est en fait des incantations, des doigts qu'on lit, soit directement le Coran, soit des doigts. On verra, il fait un détail sur la ruqya qui est légiférée ou celle qui est permise et celle qui est interdite ou celle qui est shirki. Donc on retrouve toutes ces catégories-là dans la ruqya, mais à la base c'est des incantations, donc dans lesquelles on utilise le Coran ou des doigts, soit qu'elle soit rapportée directement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit qu'elle soit constituée, même si elles n'ont pas été rapportées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle soit constituée de choses qui sont permises et des choses qui sont recommandées, comme le fait d'invoquer Allah azzawajal par ses noms, etc. sur le malade. Ça, c'est la base de la ruqya. Et le shir, il dit tout de suite ici d'emblée que ici, dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, comme on l'a dit avant, on comprend la généralité, et que cette généralité-là, elle est particularisée, c'est-à-dire qu'on a une particularité ou une exception sort de ce hukm-là qui est global, général, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a permis, c'est-à-dire la ruqya dans laquelle il n'y a pas de shirk, comme on le verra dans le hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim, qu'il a cité dans le char. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit, il a permis cette ruqya-là, il a même recommandé de la faire. Il a considéré ça comme ihsan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a été, on sait, il a été Jibril alayhi salam, il a pratiqué la ruqya sur lui lorsqu'il a été touché par le sihr d'une juive et à Khaybar, et lorsque lui-même elle a pratiqué la ruqya sur ses compagnons. Et là, ici, dans la matinée, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a permise contre le mauvais œil et contre les piqûres, donc d'insectes venimeux, comme on l'a dit. Mais on avait vu déjà au début du livre, dans le troisième chapitre, dans Tahqiq al-Tawhid, que ici, ce qui est voulu, comme il avait cité la parole de l'imam al-Khattabi, rahimahullah ta'ala, que ce qui est voulu, c'est que la ruqya, elle est la plus efficace contre quoi? Contre l'ayn, contre le mauvais œil, donc quelqu'un qui a été touché par le mauvais œil, ou contre les piqûres d'insectes, comme c'était le cas dans le hadith de Hussein ibn Abdurrahman, qui rapportait de son cheikh Sa'd ibn Jubir d'Ibn Abbas, radiallahu anhum. Dans le hadith qu'on a vu, où Hussein ibn Abdurrahman y ramenait un hadith de Buraydah ibn al-Husayb, qui disait, le professeur Marfouan qui disait que le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit la ruqyata illa min aynin wa huma, et on avait vu que les ulama ils disent que le sens c'est que la ruqya qui est la plus efficace c'est contre le mauvais œil et contre les piqûres d'insectes lorsqu'il avait été piqué, etc. On a vu l'histoire dans hadith qui est rapporté dans le Bukhari dans le troisième chapitre, man haqqaqa at-tawhid. Et enfin il dit wat-tiwalatu. At-tiwala, ce qu'on appelle at-tiwala, c'est quoi? Donc le shir ici, brièvement, il nous explique ce que c'est. Donc il dit, c'est quelque chose qu'il faisait, et il prétendait que cette chose-là, donc, était un sebab pour que la femme, pour faire aimer à la femme son mari, et inversement. Donc ça, c'est en gros at-tiwala. Donc là, le shir, il a expliqué ces trois mots-là qu'on retrouve dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an. On a dit que le hadith de Abdullah radiyallahu an, c'est le hadith le plus tranchant dans le hukm de ces choses-là, dans ce chapitre-là. Donc, s'il y a bien un texte à retenir dans ce chapitre-là, c'est bien le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, où donc il a dit: قال صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. Donc on va lire ce que le Muhashi, Cheikh Abd al-Rahman bin Qasim, il dit sur ces trois choses-là. Sur ces trois choses-là. Donc il dit, donc, fil hachia, wa kaza qal al-khalkhali wa ghayruhu. Donc là, il parle de al-tama'im. Al-tama'im, donc le pire de tamima. Donc, comme le shir dit, shay'un yu'allaku ala al-awlad min al-ayni. Donc, les talismans, c'est quelque chose qui était accroché aux enfants, à leur cou, à leurs vêtements, aux poignets. On avait dit que ça, c'est ce qui nous importe, c'est la croyance qu'on y porte, ou l'attachement du cœur qui est fait à ces choses-là, sans prendre en considération de quel type de choses il s'agit, et sans prendre en considération où on l'accroche, que ce soit au cou, au poignet, au pied, aux vêtements, ou je ne sais quoi. C'est ce qui nous intéresse, ce que les ulama ils ont appelé manat al-hukm, la cause du hukm, c'est quoi? C'est la croyance, le fait de prendre ces choses-là comme un sabab. C'est ça la raison du hukm, la cause du hukm. Mais si on retrouve cette cause-là dans un autre objet, ou le même objet, mais qui est attaché à un endroit différent, le hukm, il est toujours là. Comme on l'avait dit, la grande règle qui revient souvent, le hukm yaduru hawla illatihi wujudan wa adama. C'est-à-dire que le hukm, le statut d'une chose, il est lié à sa cause. Si on trouve la cause du hukm, le hukm il est établi. S'il n'y a pas la cause du hukm, alors le hukm il disparaît, il change. Donc il dit concernant at-tama'im at-tamima wa kadha qal al-khalkhali wa ghayruhu, Allah alam, parmi les savants de la langue arabe, al-khalkhali wa ghayruhu, wa at-tama'im min jam' at-tamima wa hiya ma yu'allaqu bi a'naq as-sibyan. من خرزات وعظم لدفع العين وهذا منهي عن لأنه لا دافع إلا الله ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته. Donc, التمائم, comme l'a dit Al-Khalkhali et d'autres, donc le pluriel de Tamima, et ce, c'est ce qui était accroché au cou des enfants. Donc là, on dit, on voit, qui dit au cou, si demain on voit que quelqu'un accroche le même genre de choses au poignet de son enfant, le hukm ne change pas. Parce que la illa, elle est toujours là. Ils prennent ça comme sabab pour se protéger du ayn ou repousser un mal ou se procurer un bien. Et c'était fait à partir de pierre ou d'os pour repousser le mauvais œil, et ceci est interdit puisque on ne peut prendre cette chose-là comme sabab pour qu'Allah Jalla wa Ala il repousse un mal ou qu'il nous octroie un bien. Parce que c'est un sabab, encore une fois, qui n'est pas légiféré et ce n'est pas un sabab non plus qui a été expérimenté. Donc, et on sait qu'en général, comme on l'a vu, Allah subhanahu wa ta'ala, il rétribue celui qui fait ce genre de choses par l'inverse de ce qu'il a voulu faire. Donc celui qui a voulu se protéger d'un mal en utilisant ce sabab-là, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala rajoute ou le touche d'un mal par cette cause-là, comme on l'avait vu dans le hadith, même si on avait vu que parmi les gens d'ilm qui disent que c'est un hadith qui est daïf, concernant le wahina, la taziduka, comme on l'a vu dans le hadith de Imran ibn Hussein, dans le premier hadith de Bab Maja'a fi ou min al-shirki, l'ubs, al-khayt, ou al-halqa ou al-khayt, dans le hadith précédent. Min al-shirki, l'ubsu, al-khayt, ou al-halqa. Donc le fait d'accrocher ce genre de choses pour repousser un mal. Et dans le hadith d'Imran ibn Hussein, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'avait trouvé avec un anneau au bras, il avait dit « Inzi'aha fa'innaha la taziluka illa wahna » Enlève-la, arrache-la, elle ne te rajoutera que du mal supplémentaire. Donc Allah jalla wa ala, il rétribue celui qui utilise ce genre de sabab par l'inverse de ce qu'il a voulu faire. « Binaqid » comme il dit « Naqid qasdihi » Non. Donc encore une fois, on se rappelle que la croyance des gens de l'Jahiliya, c'était le fait que ces choses-là, ils prenaient ces choses-là comme sabab, et jamais ils n'ont cru que ces choses-là possédaient, de manière, c'est-à-dire autonome, par elles-mêmes, le fait de faire du bien ou de repousser un mal. Ils prenaient ça comme sabab. Mais c'est interdit, pourquoi? Parce que c'est un sabab qui n'est pas légiféré. Et on a vu que prendre des sabab qui ne sont pas légiférés et s'y attacher par la croyance, ça fait partie du shirk asghar et ça fait aussi partie, ils avaient dit, les ulama, ils rajoutent que c'est un mensonge sur la législation, c'est prendre quelque chose sur laquelle il n'y a aucun délil, ni shar'i, ni tajribi, ni expériment, ni par l'expérimentation comme on l'avait vu, et c'est aussi le fait de vouloir influencer le qadar avec une chose qui à la base n'a pas d'effet. C'était lié aussi à l'iman bil qada ou à l'qadar. Dit lakin idha kana al-mu'allaqu min al-Qur'ani farakhasa fihi ba'du salaf wa ba'duhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu min al-manhiyyi an minhum ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Mais concernant les talismans qui sont faits avec des versets du Coran. Soit, imaginez ça, ou quelqu'un qui écrit des versets sur quelque chose et qui va le mettre dans un pot en cuir ou je ne sais pas quoi, qui va en faire un talisman, l'accrocher autour du cou, où on voit carrément maintenant les mini mushaf là, qui par ailleurs sont, quand on les ouvre, on n'arrive pas à lire tellement c'est petit. Mais en général, ça s'est produit pour ce genre de choses. Parce que c'est illisible, c'est pas produit pour pouvoir le lire. C'est produit pour ce genre de choses. Donc soit autour du cou, soit encore une fois, l'endroit à laquelle on l'accroche n'est pas le plus important, dans les voitures, etc. Et ici, on va voir pourquoi la base du khilaf. Pourquoi les ulama, ils ont divergé sur le statut de cette chose-là, le fait de porter un talisman qui est fait à partir du Coran, des versets du Coran ou des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, le cheikh dit dans la Hachia, Donc oui, donc parmi les salafs, il y en a certains qui ont permis ça. Parmi d'autres, non, ils voient comme Abdullah ibn Mas'ud que ça rentre dans la généralité du verset qu'il a cité. Ici, il dit لِأَنَّ أَنَّيْهَا عَمٌّ وَمَّا تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ تَمَائِمِ الْقُرْآنِ فَتَخْصِيصٌ بِغَيْرِ مُخَصِّصٍ وقد اختلف السلف في تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله تعالى وصفاته فروي عن بعضهم تجويز ذلك منهم عبد الله بن عمر وأحمد في رواية وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك وقال بعضهم يجوز ذلك وهو قول ابن مسعود وابن عباس وعقبة وأحمد في رواية اختراها الأكثر لهذا الحديث وما في معنى وصححه الشارحون لوجه. Donc ici, il nous explique l'avis d'Abdullah ibn Mas'ud et d'autres que ça rentre dans la généralité, c'est-à-dire ça rentre dans l'interdiction. Pourquoi il dit? Parce que l'interdiction, elle est générale. Le texte, il est général. Ici, c'est une règle de langue arabe qu'on retrouve dans Usul al-Fiqh. On a elle, donc le alif, alif lam, elle, qui rentre sur le pluriel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit quoi? Il dit Inna ruqa. Ruqa. Ruqa, on a dit le pluriel de ruqya. On a alif lam, elle, qui rentre. Ar-ruqa. Wa tama'ima. At-tama'im. Alif wa lam. At-tama'im. Et ça, dans la compréhension qu'on a de la langue arabe, et donc qui constitue une règle de usul, ça, il fait de l'umum. Ça, on comprend ça, la globalité, la généralité. C'est-à-dire que toutes les ruqiyas, tout ce qui rentre dans la ruqiyya, tout ce qui rentre dans al-tama'im, tout talisman, va prendre ce même hukm. Et pour accepter des choses, pour sortir des choses, de ce hukm-là qui est général, qui est global, il faut un dalil. Ce qu'on appelle tarsis al-am. Particulariser la globalité. C'est-à-dire que le hukm, il est global, mais on va sortir de ce hukm-là certaines choses. C'est-à-dire que ces certaines choses qu'on rentre, elles n'ont pas le même statut. Mais pour pouvoir sortir une chose de cette généralité-là, il faut un dalil. Kitab ou sunna. Ou l'ijma'. On ne peut pas sortir de l'âme quelque chose comme ça sans dalil, avec notre tête. Et c'est comme ça que les ulama, avec le même istidlal, qui comprennent le verset où Allah est dit Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u al-rasul wa uli al-amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ Si vous divergez en quoi que ce soit, فِي شَيْءٍ, ils disent شَيْءٍ نَكِرَ فِي السِّيَاقَ شَرْطٍ يُفِي دُ الْعُمُومِ شَيْءٍ, c'est un mot nakira, comme on appelle ça en français, indéfini, dans une phrase de condition. Et on comprend de ça la généralité, la globalité, c'est-à-dire n'importe quelle chose qui rentre dans le dîn, dans la religion. On ne parle pas de niqash qui sont liés aux choses de dunya, comme le fait de diverger sur comment marche le moteur d'une Ferrari. Moi j'ai un avis, l'autre il a un autre avis, on fait un niqash, on va aller demander à un mécanicien qui est plus savant. Ça ne rentre pas dans le fait de renvoyer le niza' à un autre hukm qu'Allah a son messager, parce que c'est purement lié à la dunya. On parle de choses qui rentrent dans le din. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ Si vous divergez dans quoi que ce soit. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ Renvoyez-le à Allah et à son messager. Et à l'unanimité des salafs, quand il dit فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِلَى اللَّهِ إِلَى الْقُرْآنِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ Renvoyez ça au hukm d'Allah dans son livre et au messager, à lui-même lors de son vivant, puis à sa sunna après sa mort. Il y a des gens, par exemple, dans le Tahakkum ila Tarut, ils vont te dire oui, mais ils vont vouloir sortir certaines choses du hukm. Ils vont dire, ouais, non, mais quand Quand tu vas au tribunal avec quelqu'un parce que tu t'es embrouillé dans une chose dans laquelle il n'y a pas, quelqu'un il m'a dit ça il n'y a pas longtemps, dans laquelle il n'y a pas un had, il n'y a pas une punition clairement établie dans la charia. Par exemple, le voleur, le coupe sa main, le zani, le mohsan, il peut être lapidé, etc. Ou le murtad, il est condamné à mort, etc. Donc, dans les péchés qui ne sont pas liés à une punition dans la charia, il est permis de renvoyer un litige, si ça ne concerne pas ces choses-là en particulier, ou à quelqu'un qui ne juge pas avec le Coran et la Sunna. Taïb, quel est ton délil pour sortir de la globalité et de sortir des choses comme ça, du hukm global qu'on comprend de ce verset-là? Quel est ton délil? Quel est tu khassis l'umum avec quoi? Avec quoi tu sors ces choses-là? Il faut un délil shar'i, kitab ou Sunna. Ici, c'est la même chose. Eux, ils ont considéré que, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a ruqa, ou at-tamaim, il fait de l'umum. Elle, ça rentre sur le pluriel, at-tamaim, on a dit pluriel de tamima, elle, ça rentre dessus, il fait de l'umum. Pour sortir quelque chose des talismans qui sont interdits, qui sont du shirk, il te faut un dalil. Pour dire que le talisman qui est fait avec le Coran, avec les versets d'Allah, jalla la parole d'Allah, ou avec ses noms et ses attributs, que ça rentre pas dans ce hukm, ça rentre pas dans ces tamaïm-là qui sont cités dans le hadith, il te faut un dalil. Takhsis al-umum. Et ceux qui ils considèrent qu'il n'y en a pas. Ils disent qu'il n'y en a pas. Et encore une fois, il reconnaît comme il dit qu'il y a un khilaf entre les ulama et qu'il y en a certains qui ont vu, comme c'est le cas, il dit ici, de Abdullah ibn Amr. Parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont vu que si le talisman il est fait avec les versets d'Allah, les versets du Coran et avec ses noms et ses attributs, c'est permis. Et c'est l'avis aussi de l'imam Ahmed dans une riwaya. Il faut savoir que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, même si on sort un peu du sujet pour comprendre, c'est que l'imam Ahmed, il y en a qui expliquent ses usul en disant que l'imam Ahmed, soit il avait un os, un verset ou un hadith clair. S'il a ça, il le prend comme dalil. Il considère rien d'autre après. En deuxième lieu, il va prendre l'avis des compagnons. S'il n'a pas ça, s'il n'a pas un os, il prend l'avis des compagnons. Si entre les compagnons, il y a un khilaf, il y en a, ils disent que l'avis d'un compagnon, par exemple, il y a deux avis chez les compagnons. Il y a un des avis, ça va être une riwaya. Et l'autre avis de l'autre compagnon, ça va être une autre riwaya. Il y en a, ils expliquent ça comme ça. Donc, ça explique ici, ça pourrait expliquer ici pourquoi l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il a eu deux avis, il a deux riwayas qui ont été rapportées. Alors, est-ce qu'elles sont, ces riwayas-là, est-ce qu'elles sont les deux aussi, l'une aussi forte que l'autre? C'est à chercher. Mais en tous les cas, il a deux riwayas et on voit que la première, elle correspond à l'avis de Abdullah ibn Amr ibn al-As et que l'autre riwaya, la deuxième, il dit ici que la majorité de l'ashab, c'est-à-dire les savants du madhhab, ont pris en considération, ont trouvé comme juste, c'est la deuxième parole, c'est-à-dire la parole rapportée par Abdullah ibn Mas'ud ou ibn Abbas et d'autres qui disent que ça rentre dans l'interdiction. Mais c'est pour ça ici qu'il dit pour expliquer. Lorsqu'il dit wa Ahmadu fi riwayatim, les gens ils vont dire comment Ahmed il a une riwaya dans ce hadith-là parce que c'est l'avis, il y a un khilaf et c'est l'avis de certains compagnons. Ici il n'a pas expliqué pourquoi, comment les autres compagnons ils ont compris ça. Comment il y a certains parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont compris que les talismans faits à partir des versets du Coran et des noms et des attributs d'Allah Jalla, pourquoi ils peuvent être permis? Ils se basent, certains ulama, ils se basent sur certains versets du Coran où Allah Jalla, il a décrit le Coran comme étant une guérison. Par exemple, Allah Jalla, il dit: Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa. Nous révélons. Nous faisons descendre, nous révélons du Coran ce qui est une guérison. Et ça, c'est aussi ça, c'est il fait de l'humour. Ça profite aussi la généralité, la globalité. Allah Jalla wa Ala, il nous dit que dans le Coran, il y a une guérison. Mais ensuite, on ne trouve pas dans le Coran al-kayfiyya, c'est-à-dire on ne trouve pas comment dans nos comment cette guérison elle se fait. Et parmi les ulama, parmi les salaf, où il y en a qui disent que c'est comme ça, par exemple, que le fait de lire sur de l'eau, de lire le Coran sur de l'eau, et ensuite de verser l'eau sur le malade ou de lui faire boire l'eau, etc., c'est des remèdes à la base qu'on trouve pas chez le professeur Salem, il n'a pas fait ces choses-là. Clairement, c'est pas rapporté que le professeur Salem il a fait ces choses-là, et ça a été, on le trouve pas aussi chez la majorité des salafs. Pourtant, et ceux qui font ce genre de choses, ils se basent sur ces versets-là. Ils disent, fil Coran shifa, il y a une guérison. Mais comment? Ils se basent sur la généralité de ce verset-là. Il y a une guérison, donc ils lisent sur l'eau, ils boivent l'eau, ils versent l'eau sur le malade, etc. Des trucs qui sont connus dans la ruqya. Donc en se basant sur ces versets-là. Et ceux qui ont pris le sujet des talismans et qui ont vu que le talisman fait avec le Coran et les noms et les attributs d'Allah Jalla, se sont basés là-dessus. Il fit shifa. Et pourquoi il n'y aurait pas shifa dans le fait d'en faire un talisman? Donc eux, ils ont compris ça comme ça. C'est un ijtihad. Et les autres, ils voient que non. Ils voient que dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, il y a la généralité. At-tama'im. At-tama'im, tous les talismans rentrent dans le hukm, c'est-à-dire le hukm qui est cité à la fin du hadith, c'est shirkun, sont une sorte d'association. Et que il n'y a pas de choses qui particularisent cette généralité, on ne peut rien sortir de là. Ça, c'est comme l'avis de la majorité des salafs. Ensuite, il nous dit que donc l'autre avis, c'est l'avis d'Abdullah ibn Mas'ud, d'Ibn Abbas, d'Uqba et de l'imam Ahmed dans une autre riwaya. Puisque, comme on l'a dit, lorsqu'il y a un khilaf entre les compagnons, des fois ça génère plusieurs riwayas chez l'imam Ahmed. Il a pu des fois faire une fatwa en suivant l'avis d'Abdullah ibn Mas'ud et l'avis d'Ibn Abbas, par exemple, et une autre fois faire une fatwa en suivant l'avis de Abdullah ibn Amr ibn al-As. Wallahu a'lam. Ou est-ce qu'il a, il a changé d'avis ou pas? Wallahu a'lam, ça c'est à chercher. C'est à chercher dans les livres de fiqh à détail. Ensuite, il nous dit que ikhtaraha al-akthar لهذا الحديث. Et donc, la majorité des ulama, ils ont pris le deuxième avis, l'avis d'Abdullah ibn Mas'ud, conformément à la compréhension de ce hadith-là qu'on a cité. Et Sharih, c'est-à-dire Abdurrahman ibn Hassan, dans Fath al-Majid, il dit que c'est l'avis d'Ibn Mas'ud qui est le plus juste, et ici, il cite les raisons. Il dit والثاني أنه إذا علق فلابد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة وغيرها من الحالات القذرة والثالث سد الذريعة فإنه يفضي إلى التعليق ما ليس كذلك ولو لم يكن إلا هذه العلة وحدها لكفى بها حجة في المنع سدا لذرائع الشرك والرابع أنه صلى الله عليه وسلم قد كان يرقى ورقي فلو كان تعلق التمائم القرآن جائزا لأمر به وليس في كتاب الله تعالى ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إجازة التعلق شيء من القرآن ولا ثبت عن أحد من الصحابة المقتضى بهم تجويزه ولا فعله مع توفر الدواعي إليه أما ذاك إلا لأنه ينافي التوكل والإخلاص ولعل عبد الله بن عمرو يعلقه في الألواح لأنه تميمة. Donc là, il cite les raisons pour lesquelles la vie d'Abdullah ibn Mas'ud et des autres est la vie la plus juste, c'est-à-dire que le talisman confectionné à partir du Coran, des versets du Coran et des noms et des attributs d'Allah Jalla wa Ala, rentre dans la globalité du hukm, c'est-à-dire que rentre dans le shirk aussi. La première raison, comme on l'a dit précédemment, c'est que l'interdiction, elle est globale et qu'on n'a rien pour la particulariser, on n'a rien pour sortir de cette globalité des exceptions. Deuxièmement, ici, bon, c'est un sujet qui est lié plus au adab et à Allah Jalla wa Ala, wa asma'i wa sifatihi. Wa kitabihi wa kalamihi, c'est le fait que celui qui porte cela va inexorablement emmener ce talisman-là dans des endroits où il ne convient pas d'y emmener quelque chose du Coran ou des noms d'Allah et de ses attributs. Donc, les toilettes ou les endroits sales. La personne, il faut à chaque fois qu'avant de rentrer, elle pense à l'enlever. Donc là, c'est pas lié directement au tawhid, mais c'est lié à Troisièmement, donc là c'est en lien directement avec notre sujet, c'est pour couper les chemins qui mènent au shirk. C'est-à-dire que le fait de prendre l'habitude de porter ces choses-là ou de porter ces choses-là, ça peut conduire à porter quelque chose qui n'est pas du Coran et de la Sunna, mais qui rentre dans les tamaïm qui sont shirkiyah. Quelqu'un qui prend l'habitude de porter ces choses-là, il peut être amené à apporter quelque chose au final qui n'est pas du Coran ou qui n'est pas des noms d'Allah et de ses attributs. Donc, c'est le fait de couper les routes qui mènent au shirk. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé tous les sababs, tous les moyens pour couper toutes les routes qui mènent au shirk, et celui-ci en fait partie. Et il dit que si c'était la seule raison pour interdire donc le port de ce genre de talisman, elle suffirait comme preuve, le fait de couper les chemins qui mènent au shirk. Et quatrièmement, c'est quelque chose qui n'a pas été ramené ou rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de faire ce genre de choses, c'est-à-dire d'utiliser le Coran de cette manière-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la ruqya sur ses compagnons. Lui-même, il a été, on lui a, bon, Jibril alayhi salam, il a fait la ruqya sur lui, et il n'a jamais été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ait fait ce genre de choses, et il ait autorisé ce genre de choses. Donc, on ne le trouve ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Et ce n'est pas non plus rapporté des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils en avaient besoin. Il dit, parce que ceci, ça contredit le tawakkul, ça contredit l'ikhlas. Et il dit, il se peut que, donc là, il donne une interprétation à ce que Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, il a fait, il dit que peut-être le fait de il les a accrochés, dit fil arwah, c'est-à-dire qu'en réalité c'est pas sous la forme d'un talisman qu'on accroche autour du cou, ou pas sous la forme d'un talisman, c'est-à-dire que ce qui était voulu c'était pas le sens du talisman, mais que c'était, on sait que Abdullah Ibn Amr, Ibn al-As, il fait partie aussi de ceux qui écrivaient, Wallahu alam, si mes souvenirs sont bons, qui écrivaient le Coran. Et donc, il écrivait le Coran sur l'Alwah. Eux, ils n'avaient pas de feuilles, ils écrivaient soit sur des pierres, soit sur des tablettes, soit sur. Et que c'est ce sens-là qui était voulu lorsqu'il a été rapporté, qu'il faisait ça. Wallahu alam, je vais ta'wil ba'id, mais bon, c'est un peu loin. Mais bon. Ensuite, on peut répondre au quatrièmement. Le quatrièmement, on a aussi dit que les ulémas, ils rapportent que le fait de lire sur de l'eau, puis de la boire ou de la renverser sur le malade ou quoi, c'est pas quelque chose qui a été rapporté des compagnons. C'est pas quelque chose que le professeur sallam, il a fait, ça c'est clair. C'est pas quelque chose qu'il a ordonné. Ça n'a pas été rapporté des compagnons. Et pourtant, c'est quelque chose que les ulama, ils ne rejettent pas comme ils rejettent les tamaim, les talismans qui sont produits à partir du Coran ou des noms d'Allah. Donc, le fait que le prophète sallam il l'ait pas fait, ou le fait que le prophète sallam il l'ait pas fait, ou que ça n'a pas été fait par les compagnons, c'est pas en soi-même, Allahu alam, une preuve dans la mesure où, encore une fois, le fait de lire sur l'eau ou verser sur le malade, c'est quelque chose qui a été fait. Pourtant, le professeur Selm, il l'a pas fait, ni les compagnons. Et ceux qui font ça, encore une fois, comme on l'a dit avant, ils rentrent ça dans le verset où Allah dit, par exemple, nous descendons du Coran, nous révélons du Coran, ce qui est une guérison. Et ils se basent là-dessus pour faire ce genre de choses. Là, ce qui sort vraiment, de cette chose-là, et qui rentre le tamaim qui sont faits avec le Coran et avec l'indallah dans le hukm, c'est vraiment le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, où il dit, inna tamaim, wa tiwalata min ash-shirk. Yani, inna tamaima min ash-shirk. Ou shirkun, inna tamaima shirkun. Et ça, on a dit au fait de l'umum, et on n'a rien pour sortir de cette globalité-là. Le talisman qui est fait avec le Coran. On n'a rien, on n'a pas de dalil pour faire ça. Contrairement à la ruqya. Puisqu'on a dit que la ruqya, elle est permise, elle est légiférée, pourtant on la retrouve aussi dans le hadith. Le prophète sallam dit Inna ruqa wa tama'im. Inna ruqa, pareil, on a elle qui rend son ruqa, pluriel de ruqya, il fait de l'umum. C'est-à-dire que toute la ruqya, shirkun? Non. Parce que pourquoi? Parce qu'à la différence de at-tama'im, ici on a des preuves qui vont particulariser certaines choses, qui vont particulariser la ruqya qui ne contient pas de shirk, comme on va le voir après dans le hadith rapporté dans Sahih Muslim. Et aussi dans le fait que, parce que ça c'est une sunna al-qawliya, mais non, une sunna al-fi'liya. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a pratiqué la ruqya, donc on ne peut pas comprendre clairement que toute la ruqya est du shirk. Chose qu'on ne retrouve pas concernant les talismans, dans les talismans, on n'a pas ce tarsis-là, et donc ça rentre dans la globalité. Le plus juste, c'est que ça rentre dans la globalité du hukm, que c'est une sorte de shirk, et donc il n'est absolument pas permis de prendre cette chose-là comme sebeb pour repousser un mal, l'ayn ou quoi que ce soit. Justement après ça, concernant الرقى يدي والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. Il dit donc الرقية c'est ce qui est appelé les incantations. Et là, tout de suite, le shir, pour faire la différence avec Tamaim, où il a cité un khilaf, il dit ici, il va tout de suite citer que ça, c'est une globalité ou une généralité, mais qui est particularisée, c'est-à-dire qu'il y a des exceptions, il y a des choses qui sortent de ce hukm global, qui sortent du shirk. C'est quoi? C'est justement la ruqya qui ne contient pas de shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il a permis qu'on la fasse concernant l'ayn, le mauvais œil, l'huma, c'est-à-dire les empoisonnements par les piqûres d'insectes ou autres. Donc ici, il dit, wahidatuha azima, donc pluriel, azaim, pluriel de azima. وهي الرقية أي تساجي دو لا الرقية وعزم الراقي قرأ العزائم أو العزائم آيات من القرآن تقرأ على ذوي العاهات وقيل أنواع منها ما ينفث به على المريض أما يجعل في ماء ويسقاه المريض ومن هذه العزائم التي تكتب في صحن ونحوي. Donc, l'azaim, pluriel de azima. L'azima, c'est la ruqya. On dit azama al-raqi, donc le verbe azama al-raqi, qara al-azaim. C'est donc le raqi, celui qui pratique la ruqya, c'est le fait qu'il lise ces incantations-là. Ou alors on dit ces incantations-là, c'est les versets du Coran eux-mêmes qui sont récités sur le malade, sur les malades. Et il est dit aussi que c'est des sortes, donc de. Et il y en a parmi les sortes de azaim, il y a celles qu'on souffle sur le malade ou celles qu'on récite, encore une fois, qu'on récite sur de l'eau et qu'on verse encore une fois sur le malade. Là, ici, il cite ces choses-là. Il cite le fait de réciter sur de l'eau, le fait de souffler, le fait de verser sur le malade ou de lui faire boire, etc. Ça, c'est des choses-là aussi, pour revenir au quatrièmement qu'il a cité avant, qui n'ont pas été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des compagnons. Et pourtant, ça se fait. Et les ulama, personne n'a dit que c'est haram. Donc on voit que le quatrièmement, c'est pas le dalil le plus convaincant concernant l'interdiction des tamaim qui sont faits à partir du Coran, mais que le dalil les plus forts, c'est le premier et le troisième. Le deuxième, on a vu que c'est quelque chose qui est lié au adab avec Allah Jalla wa Ala et sa parole. Le fait de préserver les versets d'Allah, de rentrer dans des endroits qu'il ne convient pas. Mais le premier, c'est le fait que le tamaim, le hukm général, c'est que ça rentre dans le shirk et qu'on n'a rien pour particulariser ce hukm-là. On n'a pas de mukhassis. Et le troisième, le fait de couper les chemins qui mènent au shirk, en portant quelque chose qui ne fait pas partie du Coran, c'est-à-dire qui fait partie des tamaim shirkiyah. Non. Donc ça, il a expliqué ce que c'est al-azim ou al-azaim. Donc on voit que c'est utilisé de plusieurs manières. C'est utilisé de plusieurs manières. El-Shir, il dit encore une fois, donc là, il va particulariser le hukm. Parce que la base du hadith est, si on reprend, inna ruqa shirk. Ici, shirkun, c'est le khabar. Le hukm. Inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata shirkun. Donc, ça a le même sens que si on disait inna ruqa shirkun. Wa inna tama'ima shirkun wa inna tiwalata shirkun. C'est le même hukm pour les trois. Donc, si on prend ce hadith-là, inna ruqa shirk. Toutes les ruqyas sont du shirk? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des dalils qui montrent que ce qui est voulu dans ce hadith-là, c'est la ruqya et shirkiya. Et que ce qui ne contient pas de shirk, ça ne pose pas de problème. Comme on va le voir maintenant, c'est pour ça qu'il dit yushir illa anna ar-ruqa al-mawsufa bi kawniha shirkan. هي التي يستعن فيها بغير الله. من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعاذة به كالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والجن ونحو ذلك. وأما الرقى بالقرآن وأسماء الله وصفاته أما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب كما تقدم. وفي صحيح مسلم أن عوف بن مالك كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم لبأس بالرقى ما لم تكن شركا ما لم تكن شركا. قال الخطابي قال الخطابي وقد رقى ورقي وأمر بها وأجازها فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها وإنما جاء المنع فيها كان بغير اللسان العرب فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك. قال شيخ الإسلام كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معنى وإنما يرخص لمن لا يحسنها. فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام. وقال السيوطي رحمه الله: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون من كلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته، وباللسان العربي، أما يعرف معنى من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. بل بتقدير الله تعالى. Donc ici le cheikh il nous montre quoi? Que la ruqya qui est décrite comme étant du shirk, c'est celle qui contient du shirk. Et ici il cite des exemples comme le fait de demander de l'aide à un autre qu'Allah, ou d'invoquer un autre qu'Allah, de rechercher le secours et par un autre que lui, ou le fait de demander une protection à autre que lui, comme les ruqyas qui sont faites avec le nom des anges ou des prophètes, des djinns et autres. Quant à la ruqya qui est faite avec la parole d'Allah, Coran, les noms d'Allah Jalla wa Ala, et ce qui nous a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ceci est bien, est permis et même recommandé. Le plus juste c'est qu'on dise recommandé, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit man istata' an yuhsin. On avait vu le hadith dans le troisième chapitre, celui qui peut profiter à son frère, qu'il le fasse. Donc ici c'est amr istihbab, c'est mustahab, c'est pas simplement permis mais c'est mustahab, recommandé, mandoub, comme ils disent. Kama taqaddam. Et dans Sahih Muslim, rapporté par Auf ibn Malik, qui dit que nous, dans le Jahiliya, nous pratiquions la ruqya. Et nous avons interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ceci, c'est-à-dire que vois-tu dans ceci? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, exposez-moi vos incantations, vos ruqyas. Il dit, il n'y a pas de mal aux incantations qui ne contiennent pas de shirk, dans lesquelles il n'y a pas de shirk. Donc ce dalil-là, ce hadith-là, rapporté donc dans Sahih Muslim, il montre que la base dans la ruqya, c'est la permission. La permission dans la ruqya, c'est la permission. Et ça devient du shirk quand elle contient du shirk. Et comme on va le voir après, elle peut être aussi haram, interdite, même si on ne sait pas réellement si ça contient du shirk ou pas, lorsqu'elle est faite par exemple dans une langue qu'on ne comprend pas. Je vais voir un raqi, il commence à réciter des choses dans une langue, je ne comprends pas cette langue-là, c'est une ruqya qui devient interdite, parce qu'elle peut contenir du shirk. Et ici, quand on dit la base dans la ruqya, c'est la permission, ça veut dire quoi? Donc on tire ça du hadith rapporté dans Sahih Muslim. Ça veut dire qu'il n'est pas conditionné pour que la ruqya soit permise, que qu'elle soit faite avec le Coran ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un par exemple qui constitue une dua, même qu'elle n'a pas été rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il constitue une dua. Évidemment, le mieux, c'est d'utiliser le Coran et la Sunna et ce qui a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna. Mais il est permis, de, par exemple, de confectionner une dua de soi-même en utilisant les noms d'Allah, même si elle n'a pas été rapportée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la base, c'est la permission. L'imam al-Khattabi, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a pratiqué la ruqya et lui-même, on a pratiqué la ruqya sur lui, comme on l'a dit, et il a ordonné la ruqya et il l'a permise. Donc, selon les hadiths. Et si elle est faite avec le Coran et les noms d'Allah Jalla wa Ala, elle est permise ou alors elle est obligatoire. Selon les cas, Allahu A'lam. Et l'interdiction, elle concerne la ruqya qui n'est pas fait en langue arabe. C'est-à-dire qui est fait dans une... En réalité, on va voir ici ce qui est voulu. C'est pas la langue arabe à proprement dit, mais lorsqu'elle est faite dans une langue qu'on ne comprend pas. C'est que les ulama même ils disent que celui qui comprend pas la langue arabe, il va chez un raqi, il fait une ruqya en langue arabe. Lui, il comprend pas la langue arabe. Et c'est pas quelqu'un de confiance ou je ne sais pas. On n'est pas sûr qu'il dise pas du shirk dans la langue arabe. Parle en arabe, il peut dire du shirk en arabe. Pas de souci. Donc, il faut que ça soit quelque chose qui soit compris, qu'on comprenne. Puisque, encore une fois, ici, le hukm, il est lié à sa cause, et la cause, c'est le risque qu'il y ait du shirk. Or, que ce soit dans n'importe quelle langue, si on ne la comprend pas, cette cause-là, elle est là. Il risque d'y avoir du shirk, sans qu'on le sache. Et donc, ça devient interdit. Ce n'est pas du shirk en soi-même, parce qu'on ne sait pas qu'il y a du shirk ou pas. Évidemment, c'est celui qui le fait, il n'agrée pas le shirk ou quoi, mais il ne comprend pas, il n'est pas capable de dire s'il y en a ou pas. Donc, ça devient interdit. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit tout nom inconnu. Il ne permet pas, ou il n'est permis à personne de pratiquer une ruqya en l'invoquant, en le citant. Et de manière encore plus claire, le fait d'invoquer ce nom-là, ou par ce nom-là, qui est inconnu, des noms inconnus, parce que ça peut être des noms de djinns, etc. Il dit, ولو عرف معناه. Il dit, وإنما يرخص, ce qui est permis, وإنما يرخص لمن لا يحسنها. À mon avis, il manque quelque chose dans sa parole, mais il a résumé. En gros, il est permis de faire la ruqya dans une autre langue que la langue arabe pour celui qui ne maîtrise pas la langue arabe, pour celui qui ne comprend pas la langue arabe. Comme on l'a dit avant, le but c'est de faire une ruqya avec une parole qu'on comprend et que ne soient pas utilisés des mots qu'on ne comprend pas, puisque, encore une fois, le hukm, ou la cause du hukm, c'est la peur qui est du shirk dans ces mots-là. Ensuite, il dit, quant à faire des mots étrangers, shi'aran, c'est-à-dire d'en faire une ruqya, ça ne fait pas partie de la religion de l'islam, d'en faire des rites ou d'en faire une ruqya ici. As-Suyuti, il dit que les ulama sont unanimes sur la permission de faire des incantations, le fait de faire de la ruqya, mais il faut que trois conditions soient réunies. Qu'elle soit à partir de la parole d'Allah, de ses noms et de ses attributs, qu'elle soit en langue arabe. Ici, il rajoute, وَمَن يُعْرَفُ مَعَنَا مِنْ غَيْرِهِ. Et ce qui est en langue arabe, où on peut comprendre, ou ce qui est du moins compris, dont on comprend le sens. Encore une fois, quelqu'un qui comprend pas la langue arabe, il ne va pas chez un raqi qui va faire une ruqya en langue arabe. Ce n'est pas ce qu'il dit. À moins que ce soit quelqu'un qui soit connu comme quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui est taqi, salih, et qu'il ait la croyance que la ruqya est juste un sebeb. Ruqya, c'est un sebeb, et que celui qui guérit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il ne se repose pas sur le sebeb, mais qu'il se repose sur Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est la règle dans le qa'idat al-asbab. La règle qui sont liées aux causes, comme on l'a déjà vu maintes et maintes fois, la cause c'est une cause. Alors certes, Allah Jalla wa Ala, il met dans la cause un effet, comme ils disent ta'thir, fi ta'thir dans la cause, fi sabab ta'thir, il y a un effet dans la cause, mais au final, celui qui crée el-musabbab, c'est-à-dire la conséquence, celui qui l'a créé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a créé le sabab. L'abd, le serviteur, il utilise ce sabab. Donc Allah Jalla wa Ala, il crée l'acte du serviteur qui utilise ce sabab, et c'est lui qui crée aussi al-musabab, c'est lui qui crée la conséquence. Allah Jalla wa Ala khaliqun li kulli shay. Et donc il convient d'attendre la conséquence, la réponse de ce qu'on a fait. Il convient de l'attendre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ne pas oublier Allah, comme on l'a dit, lorsqu'on pratique le sabbat. Et il termine avec At-tiwalatu wa at-tiwalatu shay'un yasna'unahu yaz'umun annahu yuhabbibu al-mar'ata ila zawjiha Ou Rajula il-Mra'atihi, ce qu'ils appellent Sarf al-Atf, ou Sarf al-Atf. Ce qu'ils appellent Sarf al-Atf. Il dit Wakada, Wakada, qala ghayruhu. Abihada fassarahu ibn Mas'ud radiallahu ta'ala an rawi al-Hadith. Comme fi Sahih ibn Hibban, ou al-Hakim, qalu ya Aba Abdurrahman, hadhi al-Ruqa. والتمائم قد عرفناها فما التولى قال شيء تصنعونه النساء يتحببن به إلى أزواجهن وتقدم قول الحافظ أنه من الشرك لما يراد به من دفع الضر أو جلب النفع من غير الله تعالى وتسمى الصرف وتسمى صرف والعطف. Donc ici le cheikh il nous dit que at-tiwala c'est une chose que pratiquait ce qu'on voit dans la parole d'Ibn Mas'ud, surtout les femmes, pour se faire aimer par leur mari. Donc c'est une sorte de sorcellerie. Et c'est comme ça que Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, donc qui est le rapporteur du hadith, c'est comme ça qu'il a expliqué le hadith. Il y a une règle aussi chez les gens du hadith, c'est que le rapporteur du hadith, en général, c'est pas une règle kulliya, yani, mais en général, surtout chez les compagnons, le rapporteur du hadith, il est le plus à même à comprendre le sens le plus juste, le sens juste du hadith. C'est pour ça que les ulama, quand il y a un khilaf sur le sens du hadith, et que l'un des rapporteurs ou que l'avis, ou un des avis est rapporté par le rapporteur du hadith, souvent, ils vont prendre son avis en priorité parce que celui qui rapporte le hadith, il est le plus à même à comprendre le sens de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu dire puisqu'il était dans le contexte. Il était là dans le contexte, il a vu dans quel contexte il a dit ça. Et donc, son avis, il est prépondérant sur l'avis des autres. Et c'est le cas ici, puisque c'est pour ça qu'il dit que Abdullah ibn Mas'ud, c'est le sens qu'il a donné à Tiwala et il est le rapporteur du hadith. Comme c'est rapporté dans le Sahih d'Ibn Hibban et dans le Mustadrak de l'Hakim, où ils ont dit « Oh, Aba Abdurrahman », c'est-à-dire qu'ils se sont adressés « Tabi'in », ils se sont adressés à « Allahu alam Tabi'in », sont adressés à Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu an, leur sheikh, en disant « Ou Abdullah », ou il l'a appelé par sa kunya, Abu Abdurrahman, ces incantations-là et ces talismans-là, nous les connaissons. Ruqa wa tamaim, ils savaient ce que c'était. Mais tiwala, c'est quoi tiwala? Il a dit une chose que les femmes faisaient pour se faire aimer par leur mari. Et on a vu précédemment dans la parole de l'Hafidh, c'est-à-dire d'Ibn Hajar, rahmatullah alayh, que c'est une sorte de shirk. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est un sabab qui est utilisé et qui n'est pas un sabab qui est légiféré, qui est permis par Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir l'amour, qu'une femme obtienne l'amour de son mari ou inversement. Et c'est ce qu'ils ont appelé un sarf wal-atf. Donc ici, quand ils disent qu'il s'agit d'une sorte de sihr, Allahu alam, ce n'est pas un sihr qui a atteint le shirk al-akbar. On verra dans Bab al-Sihr que la grande majorité des ulama, ils ont considéré d'emblée la sorcellerie comme du shirk akbar. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le sihr ne se produit que lorsque le sahir, le sorcier, s'allie avec son allié parmi les shayatin et qu'il doit forcément commettre une mécréance pour que son qarin, son allié, s'allie à lui et lui obéisse dans le sihr qu'il veut faire. Et à partir de là, le sihr devient du shirk akbar, yani mutlaqan. Et ce qui est visé ici, c'est pas le... Comme on le verra dans la parole, on verra qu'il y a un petit khilaf, mais en réalité c'est un khilaf lafzi, où l'imam Shafi'i, il a fait un détail dans ce que c'est le sihr. Mais on verra qu'en cas on regarde dans la réalité des choses, ils sont tous d'accord sur le fait que celui qui prend comme allié un shaitan en lui donnant quelque chose de l'adoration ou en commettant une sorte d'apostasie pour s'allier à lui, évidemment, ils sont tous d'accord pour dire que la sorcellerie sous cette forme-là, c'est du shirk akbar. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Il reste un hadith dans ce chapitre-là. Et je pense qu'on aura le temps, inshallah ta'ala, la prochaine fois d'attaquer le chapitre suivant. On va arrêter là pour ce soir, inshallah. Wallahu alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.